dans ses yeux. Je fous de croire en notre histoire. J'ai tout gâché, tout empoisonné. Je veux trouver ensemble. D'oublier ses larmes et ses mots tendres, ses ricochets d'amour et ses stigmates bleus. Mes joies sont dans sa nature. D'oublier son regard, ses yeux. Le fond de croire une autre histoire. J'ai tout gâché, tout empoisonné. Tu retrouverais mon sang. Mais c'est mon temps, c'est ricoché d'amour, et ses stigmates bleus, tous ces drames, ces rêves mystérieux, ces gens sont dans ma nature. Il me faut m'aimer encore.